Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mon père m'a souvent crié dessus. Mais quand il dit rien, c'est qu'il est vraiment déçu. Putain ! Je préfère qu'il gueule, le pire c'est les silences. Tout ce qu'il crie sera pas aussi violent que tout ce qu'il pense. Quand t'es petit, tu crois que ce genre de truc s'arrête. Mais ton père t'engueulera toute ta vie, t'as 10 ans dans sa tête. Tu pues l'agneau, tu bois le matin. Question piège, pourtant normalement je tiens l'alcool, mais... Ah ouais. C'est la piémontaise. La piémontaise. Là il me demande pourquoi je suis pas normal. Dit que j'ai fait des études, je suis pas censé descendre l'échelle sociale. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Est-ce qu'il m'a bien éduqué? C'est la faute de mes potes suspects, comme quand ils m'ont fait fumer. Tout ce que j'arrive à penser, c'est que j'ai mal au... Ah! Oui bah c'est bon! C'est bon, calme-toi, il a rien, ton mère cause de merde, abruti. Pourquoi les gens sont plus agressifs en voiture? Quand ils se sentent en sécurité, ça fait sortir leur vraie nature. Tu vois ce que tu me fais faire? Ça y est, c'est de ma faute si tout va mal. Je voulais faire comme lui, me mettre un petit verre après le travail. Ou plusieurs pendant, comme il faisait dans le temps. Je travaille beaucoup mieux, quelques grammes dans le sang. Je pourrais lui dire que j'arrive mieux à faire semblant. Je pourrais lui dire que j'arrive mieux à encaisser le rangement, mais bon... Tout ce que je dis sera retenu contre moi. J'ai juste à fermer ma gueule, avoir l'air coupable jusqu'à ce qu'on se revoie. On dirait que c'est la première fois qu'il se rend compte que je bois. Est-ce qu'il s'inquiète vraiment ou est-ce qu'il a juste honte de moi? Ça doit être un mélange de tout ça. Un peu comme les mélanges d'alcool qui font qu'il est en train de crier. Pourquoi? Il me dit que je me rends pas compte de la chance d'avoir autant de chance. J'ai envie de faire une blague, pas sûr que ça détende l'ambiance. Son plan était parfait, mon destin tracé depuis l'enfance. Il a juste oublié de me demander ce que j'en pense. Après c'est vrai que j'ai rien dit non plus. Que mon père m'engueule ou pas, je lui ai jamais vraiment répondu. Tu sais comment on appelle les gens qui passent leur temps à picoler et à traîner dehors? Ok, je vois où il veut en venir mais pas si vite. Je veux bien rentrer dans son jeu mais y a quand même des limites. Et cherche à dramatiser alors que c'est qu'une petite cuite. Oh putain, celle-là je suis obligé de la faire. Des Inuits? Des clochards Aurélien, clodo, clochebot. Quand ton père t'engueule, c'est toute ta vie qui remet en question. Tu peux avoir eu ton brevet, ton bac avec mention, ton permis, une coupe du monde de prix Nobel, ça changera rien. T'auras toujours le potentiel pour être un bon à rien. T'es responsable de tous les malheurs de la terre, de la guerre, de la pluie, de la non-libido de ta mère. Il me dit qu'à son époque j'aurais connu la vraie vie, celle où tu commences à travailler vers 9 ans et demi, ou pour quitter tes parents, t'emmener n'importe quelle femme à la mairie. En gros, il me dit qu'il a grandi dans la petite maison dans la prairie. Oh, bravo, t'as marqué, drogue ou ça, marre, je trouve mon amour. On parle pas la même langue, dialogue de sourds, on pourra jamais s'entendre, même si au fond je pense pas qu'on s'en veuille, ce sera vite oublié. Enfin, jusqu'à la prochaine fois que mon père m'engueule.